Chapitre 2e. Pendant que Charlotte, privée de nourriture depuis plusieurs jours, attendait la mort dans ce souterrain, où aucun secours humain ne pouvait lui arriver, un bruit étrange se fit entendre dans l'ouverture de son cachot, et quelques minutes après, un oiseau encore privé de plumes tomba sur la paille qui couvrait la terre. C'était un jeune faucon échappé du nid situé au faîte de la tourelle, et qui, tombant dans la cour, était passé en se traînant au travers des barreaux. La première pensée de Charlotte, tourmentée par la faim, fut de tuer l'animal et de sucer son sang, pour réparer un peu ses forces. Mais le malheur ouvre le cœur à la pitié. Elle réfléchit que ce faible secours prolongerait à peine sa vie de quelques heures, et qu'il était inutile, pour si peu, de donner la mort à une créature de Dieu, que la Providence semblait lui envoyer pour que son agonie fût moins solitaire. Elle prit donc le petit faucon dans ses mains, le réchauffa doucement, et lui fit un lit sur la mousse. La pauvre bête avait faim, et son cri appelait sa mère qui était allée en quête d'une proie. Charlotte pleura en songeant à sa mère, qu'elle aussi avait perdue. Elle était dans une situation et dans un état d'esprit où tous les sentiments naturels émeuvent profondément. Cet oiseau orphelin devenait pour elle un compagnon, un ami. Quelques instants après, d'autres cris plus perçants se firent entendre. L'ombre des ailes d'un grand oiseau intercepta le jour qui pénétrait dans la prison, et Charlotte aperçut un faucon dont le regard brillait et qui cherchait à passer au travers de la grille. À la vue d'une créature humaine, l'oiseau eut peur et s'envola, puis il revint, s'envola encore et partit de nouveau. Environ une heure après, il descendait en planant au-dessus de la cour, tenant dans ses serres un lapin, dont il avait ouvert la tête d'un coup de bec, et qu'il laissa tomber au travers de l'étroite ouverture. Le jeune faucon jeta des cris de joie, et la mère s'envola pour regagner le nid où l'attendaient ses autres enfants. Charlotte, pressée par la faim, et malgré la répugnance que lui inspirait cette chair palpitante, suça avec délice le sang du lapin, et après avoir mâché quelques morceaux de la chair, la donna au jeune faucon qui se calma et ne tarda pas à s'endormir dans les mains caressantes de la jeune fille comme s'il eût été blotti sous l'aile de sa mère. Le lendemain, le faucon revint au bord de la grille, échangea avec son petit quelques cris et s'envola. Il reparut, quelque temps après, avec une perdrix qu'il avait tuée et qu'il laissa tomber dans le cachot, comme il avait fait la veille. Charlotte s'en empara, la pluma, et partagea son repas avec son hôte ailé. Ses forces étaient un peu revenues. Se rattachant à l'existence, elle voyait dans ce qui s'était passé une preuve que Dieu ne l'avait pas abandonnée, et elle espérait que sa protection ne lui ferait pas défaut. 3 mois se passèrent ainsi. Tous les jours, l'oiseau apportait une proie nouvelle, un canard, un lièvre, un ramier, mais quelquefois aussi une couleuvre, ou toute autre bête immonde. Ces jours-là, Charlotte jetait ce dégoûtant gibier dans le trou qui était au fond de sa prison, et se nourrissait, ainsi que l'oiseau, de ce qui restait de la veille. Et elle donnait de préférence ce qui restait à son compagnon de captivité, car elle pouvait jeûner un jour ou deux, mais le petit faucon, privé un seul jour de nourriture, serait mort, et la vie de la jeune fille était attachée à l'existence de l'oiseau. Le faucon devenait fort. Son corps était couvert de plumes. Ses ailes commençaient à pousser puissantes et capables de soutenir son vol. Malgré l'amitié qu'il témoignait à sa jeune hôtesse, ses instincts de liberté sauvage le portaient tous les jours de plus en plus à s'élancer vers la lumière et à les rejoindre dans les régions de l'air les nobles et hardis oiseaux de sa race. Enfin un jour, et malgré les efforts de Charlotte pour le retenir, attiré par les cris de ses pères et mères, il vola vers l'ouverture, passa, quoique avec difficulté, son corps entre les barreaux, puis, ouvrant ses larges ailes, il fit 2 ou 3 fois le tour de la cour et d'un élan rapide disparut au regard de Charlotte. La pauvre enfant poussa un cri déchirant, joignit les mains et tomba évanouie. C'était la vie qui s'éloignait de sa sombre demeure avec l'oiseau ingrat qui, déployant ses ailes, l'abandonnait. Pendant que ces événements se passaient dans le souterrain, l'histoire suivait son cours sur la terre. Frédéric Barberousse venait de mourir noyé dans les eaux du Faz. Son fils Frédéric lui avait succédé dans le commandement des troupes croisées, et 7 mois après la mort de son père, il périssait sous les murs de Saint-Jean-d'Acre. C'est alors que Henri, fils aîné de Frédéric Ier, avait été proclamé empereur d'Allemagne, en 1190, aussitôt après la mort de son père, sous le nom de Henri VI. L'un des premiers actes de son règne fut de chercher les moyens de rendre la tranquillité à l'empire constamment agité par les exactions et les déprédations des barons. Il voulut d'abord faire un exemple capable d'imprimer la terreur et chargea Rodolphe de Wittheim, qui occupait à la cour un poste important, de se rendre en Souabe, d'y recueillir les preuves des crimes du baron de Teufelstein et de presser son procès. Rodolphe partit pour obéir aux ordres de son souverain, mais avant de se rendre à la ville où était détenu le baron, il voulut revoir le lieu où avait été trouvé le corps de son père et prendre des renseignements sur la cause de sa mort. Il soupçonnait qu'elle avait été le résultat d'un crime. Il visita tous les environs, interrogea les paysans et les bûcherons, et rien ne vint confirmer ses soupçons. Les uns n'étaient établis dans le pays que depuis l'anéantissement de la bande du baron, les autres répétaient ce qu'ils avaient entendu, des propos vagues et incohérents. Triste et abattu, il se dirigea machinalement vers les ruines de Teufelstein et entra dans la cour intérieure du château où régnait le silence et la solitude. Un instinct secret l'avertissait que c'était de là qu'était parti le coup qu'il avait privé de son père. Il se rappelait aussi la filleule du margrave qu'il avait connue si bonne et si gracieuse lorsqu'ils étaient enfants tous les deux. Absorbé dans ses réflexions, il escaladait sans but les décombres qui remplissaient le château. Il était arrivé au sommet d'une tourelle isolée quand son attention fut excitée par un fait étrange. Quatre faucons, dont deux étaient encore jeunes, planaient au-dessus de la tour qui se trouvait au bas du donjon. Ils jetaient des cris perçants, plongeaient d'un vol rapide jusqu'au fond de la cour, remontaient comme une flèche à perte de vue, et redescendaient ensuite pour recommencer. Rodolphe pensa que ces oiseaux de proie étaient attirés par quelque cadavre d'animal. Il se pencha au-dessus d'un créneau qui surplombait pour vérifier ses suppositions. Il vit presque au même instant un jeune faucon s'accrocher aux grilles d'une fenêtre basse, passer son corps au travers, et après quelques battements d'ailes, prendre son essor et rejoindre la troupe emplumée qu'il accueillit avec des transports de joie. En même temps, un cri strident, un cri de désespoir, un cri humain, dans lequel retentissaient les angoisses d'une âme en peine, se fit entendre les profondeurs de la cour et vint faire tressaillir le cœur de Rodolphe. Il n'y avait pas à douter, un être vivant, une créature de Dieu, était là, sous cet amas de pierre. L'âme généreuse du jeune homme n'hésita pas. Il courut chez les bûcherons les plus voisins, leur fit prendre des cordes, des haches, des pioches, et suivi d'une douzaine d'hommes, il revint rapidement à Teufelstein. Pendant que quelques travailleurs attaquaient la solide muraille pour y faire une brèche qui permit de pénétrer dans la cour, il se fit descendre d'une des fenêtres de la tourelle et se précipita vers le soupirail d'où il avait vu sortir le faucon. À travers la demi-obscurité qui régnait dans le cachot, il aperçut le corps d'une femme étendue sur la terre. Il crut d'abord qu'il n'avait sous les yeux que le corps d'une victime du baron, et s'expliqua ainsi la présence des faucons. Mais le cri qu'il avait entendu lui revint en mémoire, et il résolut d'arriver le plus vite possible jusqu'à l'infortuné, dont il n'était séparé que par les barreaux. Les bûcherons avaient réussi à ouvrir un trou dans la muraille. Ils s'introduisirent dans la cour, et sur l'ordre de Rodolphe, qui avait pris un levier et attaquait les barres de fer de la grille, ils l'imitèrent, et en peu d'instants, le passage fut libre. Au moyen d'une corde, Rodolphe descendit dans le cachot. Il souleva le corps inanimé de la jeune fille, et son cœur fut rempli de joie en voyant qu'elle respirait encore. Quelques gouttes d'un cordial qu'il portait dans une gourde attachée à sa ceinture agirent promptement sur la jeune fille, et peu d'instants après, un tressaillement nerveux annonça qu'elle revenait à la vie. Puis ses yeux s'ouvrirent, et elle revit la lumière qu'elle croyait ne plus devoir jamais contempler. Pendant ce temps, les bûcherons, qui avaient suivi le même chemin que Rodolphe, avaient brisé la porte de l'escalier, et le jeune homme, ayant pris Charlotte sur ses bras, franchit les marches chargées de son précieux fardeau, et l'apporta dans une chambre où elle put respirer à pleine poitrine l'air dont elle avait besoin. Elle fut longtemps à se remettre, et ce ne fut que bien des jours après que Rodolphe, l'ayant prié de lui raconter par quel hasard extraordinaire elle se trouvait enfermée dans des souterrains de ce château abandonné depuis si longtemps, Charlotte, qui ne le connaissait pas, lui raconta sa triste vie. Alors seulement Rodolphe sut qu'une intervention providentielle lui avait fait sauver d'une mort horrible la jeune fille que son père aimait tant et la compagne des jeux de son enfance. Il apprit en même temps comment son noble père était mort lâchement assassiné et jura que l'assassin expirait son crime. Après avoir largement récompensé les bûcherons et laissé à Charlotte le temps de reprendre ses forces, il partit avec elle pour Wittheim, où il la confia aux soins de sa nourrice, puis se rendit en toute hâte à la cour d'Henri VI, à qui il raconta les détails de cette terrible histoire. Un officier de l'empereur partit immédiatement pour la Souabe, muni des ordres de Henri et des déclarations de Rodolphe et de Charlotte. Le procès du baron fut rapidement instruit. Ses crimes étaient évidents, ils étaient atroces, et la Providence avait suscité dans la personne de Charlotte un irrécusable témoin du meurtre du landgrave de Wittheim. Le doigt de Dieu était là. Le baron fut condamné au supplice de la roue qu'il devait subir dans la ville la plus voisine de Teufelstein. Depuis quelque temps, il avait des accès de démence furieuse. Était-ce l'obscurcissement de sa raison ou le délire des remords, pendant lesquels il fallait le surveiller avec soin pour qu'il n'attentât pas à ses jours. De grandes précautions avaient été prises pour le conduire sans accident au lieu du supplice, afin que la justice des hommes fût satisfaite. Le dernier soir du voyage, on était arrivé à peu de distance de Teufelstein, quand le baron entra dans une de ces crises terribles qui décuplaient ses forces et le rendaient si dangereux pour ses gardiens. Écumant, poussant des cris de bête fauve, il s'élançait sur les parois de la cage dans laquelle il était placé sur une charrette. Comme il allait se briser la tête, un gardien ouvrit la porte et, aidé de deux de ses camarades, entra pour le maîtriser, quand le baron, par un effort irrésistible, rompit les liens qui l'attachaient, se précipita au travers de la porte ouverte, renversa les hommes qu'il avait saisis et, d'un bond de tigre, s'élança sur la route et gagna la forêt que les ombres de la nuit recouvraient déjà de leurs voiles. Toute recherche était inutile, il fallait y renoncer. La forêt noire offre des asiles impénétrables et que les malfaiteurs et les bêtes sauvages osent seuls aborder. Le baron, furieux, en proie au plus violent délire, courut ainsi une partie de la nuit, heurtant les arbres, brisant les broussailles, roulant au fond des ravins, déchiré par les ronces et les épines, et après des détours nombreux, arriva au lever du soleil, près d'une clairière qui faisait face aux ruines de Teufelstein. L'air frais du matin, la lassitude du corps et la vue de son ancien château parurent calmer un peu cet accès de rage. Bientôt, à force de contempler les murs ruinés de son domaine, le souvenir de sa vie passée lui revint à l'esprit. Il lui semblait voir ses compagnons de jeu et de pillage, ses nombreuses richesses. Il entendait le bruit des dés et de l'or qui roulaient sur les tables. Les refrains bachiques arrivaient à ses oreilles, puis son cerveau affaibli lui fit apparaître les ombres de ses victimes évoquées par ses remords. De longues files d'hommes, de femmes, d'enfants passaient sous ses yeux et lui montraient leurs blessures béantes et ensanglantées. Il ne se repentait pas, mais il avait peur. Involontairement, il frissonna et ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, tout avait disparu et il cherchait à reprendre ses esprits quand il lui sembla que deux buissons qui se trouvaient à peu de distance s'agitaient, glissait sur l'herbe sans bruit et s'avançait vers lui. Une sueur glacée perlait à son front, ses dents claquaient, ses cheveux se hérissaient et un froid mortel pénétrait ses os. Il voulait fuir, ses jambes n'obéissaient plus à sa volonté. Tout à coup, les buissons prirent une vague forme humaine et les figures de Conrad et de Charlotte, se dessinant peu à peu dans son esprit hanté par les visions des remords, se dressèrent devant ses regards. La jeune fille était telle que le supplice de la faim devait l'avoir faite. Hâve, les yeux enfoncés dans leurs orbites, le regard brûlant et mordant avec frénésie son bras maigre. Conrad semblait avoir peine à soutenir son corps brisé par sa chute dans le précipice, et la lumière du soleil passait au travers des trous qu'avait fait l'épée du meurtrier. Cette terrible apparition, glissant lentement sur la terre, s'approchait toujours. Le baron tomba sur l'herbe éperdu, sans force et incapable de se lever et de marcher. Le corps n'obéissait plus, mais la pensée, supplice terrible, la pensée restait libre. Étendu immobile, ses yeux étaient fixés sur la voûte du ciel et il souhaitait la mort qui devait l'affranchir des horribles tourments qu'il éprouvait. Dans ce moment, un faucon au regard perçant, à la serre aiguë, décrivait dans les airs un orbe immense et descendant lentement, rétrécissait à chaque tour le cercle qu'il parcourait. Il avait aperçu une proie qui lui promettait une ample curée et s'approchait sans défiance, car l'immobilité du baron le faisait ressembler à un cadavre. Arrivé perpendiculairement au-dessus de sa victime, il poussa un cri aigu et se laissa tomber comme une pierre sur la figure du baron. Un hurlement de douleur traversa les airs, et l'oiseau épouvanté regagna son air, le bec et les serres ensanglantés. Il avait crevé les yeux du seigneur de Teufelstein. Quelques jours après, un pâtre, à la recherche d'une chèvre, trouva un cadavre à moitié dévoré par les loups et les renards. C'était le meurtrier du Landgrave. En cherchant à tâtons quelques racines pour apaiser l'horrible faim qu'il éprouvait, il avait roulé au fond d'un précipice et la mort avait enfin terminé cette coupable vie. Dieu n'avait pas jugé que la justice des hommes fût assez sévère pour punir un tel criminel. Pendant que le baron mourait si misérablement, Henri VI avait reconnu les droits de Charlotte de Neudorf à l'héritage de son oncle, ainsi qu'à celui de son père et de sa mère. Il voulut voir la jeune fille qui avait si miraculeusement traversé ces cruelles épreuves. Elle se rendit à la cour, où elle fut l'objet du plus vif intérêt et de la plus touchante sympathie. Sa reconnaissance pour son libérateur était aussi vive qu'on pouvait l'attendre de sa nature aimante et dévouée. Aussi, quand l'empereur, qui voyait le doigt de Dieu dans cette suite d'aventures, proposa à Charlotte de Neudorf d'accepter pour époux Rodolphe de Wittheim, à qui elle devait la vie, elle obéit sans peine à la volonté de son souverain, qui voulait tenir la place de son père en se chargeant de sa destinée. Après la célébration du mariage, Rodolphe partit pour Teufelstein, fit démolir tout ce qui restait de l'ancien château, excepté le donjon des Faucons, et fit construire celui que l'on y voit aujourd'hui. Seulement il ne voulut pas qu'il gardât le nom de Teufelstein, nom maudit, car il signifie « pierre du diable ». Il rappelait au pays de trop mauvais souvenirs. Il lui donna le nom de Falkensheim, qu'il porte encore et qui signifie « demeure des faucons ». On assure que pendant longtemps on vit, à certaines époques de l'année, un faucon venir battre de l'aile devant les croisées du château. Quand la châtelaine se trouvait à Falkensheim, elle ouvrait la fenêtre et debout sur son balcon, elle accueillit avec empressement le noble oiseau qui, perdant son naturel sauvage, semblait vouloir lui souhaiter la bienvenue en agitant ses ailes et en poussant de petits cris. Charlotte se disait alors que ce messager ailé venait lui rappeler les années les plus douloureuses de sa vie et la reconnaissance qu'elle devait à Dieu, et elle se laissait aller au cours mélancolique de ses pensées et au souvenir de ses malheurs lointains que son bonheur actuel rendait doux. Mais les fonctions de Rodolphe l'obligèrent de se fixer à la cour. Le faucon, après être venu plusieurs fois inutilement planer devant le balcon, se lassa enfin et, poussant un cri perçant, s'éleva rapidement dans la nue pour ne plus reparaître. C'était un adieu. Ainsi s'achève le château de Falkensheim par Emma Faucon.